la jalousie glacée qui déchire et qui enflamme, un sentiment bizarre comme une fièvre dans les veines, pour un mot, un regard, la jalousie se déchaîne, la jalousie. La jalousie, c'est comme une morsure de serpent, c'est un indicible tourment. La jalousie, la jalousie, c'est comme un mal étrange, c'est comme un volcan qui s'éveille tout seul. On engrange tant de nuits sans sommeil. Le doute se fait plus fort et elle s'infiltre dans le cœur. La jalousie a tort ou a raison, sème la noirceur. La jalousie, c'est comme une morsure de serpent, c'est un indicible tourment. La jalousie, la jalousie. La jalousie, la jalousie.